بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، longe Allah en cette nuit du 7 Safar 1442 qui correspond au 23 septembre 2020. On se retrouve sur les ondes de la radio Tahwa pour la suite des cours « Les actes du cœur ». Et ce soir, cette assise et ce rappel sera consacré à la patience. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné une grande importance au cœur. Le terme « cœur » a été cité dans le Coran dans plus de 120 endroits, de façon différente. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset « clarifions les défectuosités du cœur chez l'être humain ». Il est dit dans le verset ceci « Qala Azza wa Jal « Innaha la ta'ma al-absar walakin ta'ma al-qulubu allati fi al-sudur » La traduction approximative du sens du verset, car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dont les poitrines qui s'aveuglent. L'épreuve et la catastrophe. L'épreuve et la catastrophe, ce n'est pas que la personne ne voit pas avec ses yeux, mais l'égarement. C'est que l'aveuglement soit dans le cœur, il empêche de connaître la vérité et la guider. C'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes dans le corps, il y a un morceau de chair, si ce morceau est bon, tout le corps le sera. Et s'il est mauvais, tout le corps sera mauvais. Hadith chez Imam Bukhari, dont ici c'était juste une partie. La place du cœur est importante dans notre hein, et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention sur ce point dans ce hadith chez l'imam Muslim où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts du miséricordieux. Il les tourne comme il veut. C'est pour ça que souvent le messager d'Allah alayhi salatu wassalam disait ce dua Allahumma ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik. Ô toi, ô Allah, toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et c'est le messager d'Allah. Qu'est-ce qu'on doit dire nous? On doit s'occuper de nos cœurs, hein, et donner une grande importance au travail à faire sur nos cœurs. Donc, traiter le sujet de la purification, de la réforme en bien des cœurs doit occuper une place importante dans notre vie. Vous connaissez le hadith chez l'imam Muslim où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah ne regarde pas votre image ni vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos actes. » Donc Allah regarde le cœur. Donc il faut s'en occuper plus que l'apparence, car le bien de l'apparence doit être basé sur le bien du cœur. D'où le noble conseil du noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, qui a dit radiyallahu anhu arda, conseillons la communauté, soyez des sources de science, des lanternes de guider, restez chez vous et ne sortez que pour les nécessités et les obligations. Soyez des cierges de nuit, ce qui veut dire, hein, faites des prières nocturnes, hein, réveillez-vous en plein milieu de la nuit pour implorer Allah, pour lire le Coran, pour prier. Voilà ce que ça veut dire, soyez des cierges de nuit. Et il a dit, radiyallahu anhu arda, ayez des cœurs qui se renouvellent avec la foi et les œuvres. Hein, peu importe, il a dit, rahimahullah, peu importe votre tenue. Soyez reconnus par les habitants des cieux, méconnus de ceux de la terre. Dire soyez reconnus par les anges, hein? Et peu importe que vous soyez pas connus par les gens de la terre. radiyallahu anhu wa adah. C'est un noble conseil de ce noble compagnon que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et ainsi nous devons être occupés par la purification des cœurs. Rappelez-vous ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh quand il a cité le verset أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْتِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Il a dit, rahimahullah ta'ala, le lavage des cœurs tous les jours est mieux que le lavage des vêtements tous les jours, et est plus important que le lavage des vêtements tous les jours. Donc il est rapporté chez l'imam Muslim, rahimahullah, que le messager a dit, la situation du croyant est étonnante. Toute sa situation n'est que du bien. Ce n'est qu'un bien. Et ceci n'est dû qu'au croyant. Quand il est comblé d'un bien, il est reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un bien pour lui. Et quand il subit un malheur ou une catastrophe, il patiente et ceci est un bien pour lui. Ça, c'est la situation du croyant. Allah azza wa jal, de par sa grâce, et de par la perfection des choses, éprouve ses serviteurs par différentes épreuves. La maladie est une épreuve. La santé, c'est une épreuve. La richesse, c'est une épreuve. La pauvreté, c'est une épreuve. Et ils éprouvent. Et les éprouvent pour des buts qui ne sont connus que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les épreuves par la maladie ou la pauvreté que subit le croyant, cela ne veut pas dire qu'Allah ne l'aime pas, au contraire, cela prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Et cela est un bon signe, car comme il est rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, celui à qui Allah veut le bien, il l'éprouve. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien, il lui fait subir des épreuves. Donc, quand on est éprouvé par la maladie, par la pauvreté, par la dureté de la vie et autres, nous devons patienter et nous ne devons pas nous lamenter. Et si on se plaint de notre situation, c'est à Allah qu'il faut demander la délivrance et non à qui que ce soit. On n'a pas à se plaindre du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit implorer Allah et demander à Allah et on doit exposer notre situation au clément subhanahu wa ta'ala qui fait les choses à la perfection et on doit se briser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons patienter et endurer et attendre la récompense d'Allah et lever nos mains vers le Seigneur des mondes qui exauce le doua de ceux qui l'implorent et ceux qui sont en difficulté et en détresse. Venez qu'on prenne la leçon de cette femme qui tenait à rentrer, à être parmi les gens du paradis, à rentrer au paradis. Un jour, Ata ibn Rabah était à côté d'Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Abbas lui a dit, veux-tu que je te montre une femme du paradis? Ata ibn Rabah a dit oui. Abdullah ibn Abbas lui a dit, tu vois cette femme noire? Cette femme noire est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, je suis l'objet de fréquentes crises d'épilepsie et je me dévoile. Implore Allah pour moi. Implore Allah pour moi. Le prophète lui répondit, si tu veux faire preuve de patience, tu obtiendras le paradis. Écoute bien, si tu veux faire preuve de patience, tu obtiendras le paradis. Et si tu veux, j'implore Allah pour toi. La femme dit, je préfère faire preuve de patience, mais implore Allah pour que je ne me dévoile pas. Et le prophète a imploré Allah pour elle, pour qu'il ne se dévoile plus. Le hadith, cette histoire est relatée chez l'imam Bukhari ou chez l'imam Muslim, rahmatullah al-jami'. Vous savez pourquoi cette femme a choisi de patienter? Cette femme a choisi de patienter parce qu'il tenait au paradis que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. un paradis dont la largeur, c'est les cieux et la terre. Et qu'on médite notre entourage, qu'on médite notre monde. Regardez, une grande majorité des femmes actuelles, sauf celles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a couvert de sa sainte miséricorde, quand ils sont éprouvés, ils ne patientent pas. Ils s'orientent vers ce qui va détruire leur bas monde et leur au-delà, et courent vers les devins, vers les sorciers, et vers toute catégorie de charlatans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et nous avons le modèle dont les nobles compagnons et dont les nobles compagnons du messager alayhi salatu wassalam pour toute situation. La patience est un grand trésor. Celui qui l'a, il a acquis un grand bien. Regardez le monde dans lequel nous vivons et regardez comment beaucoup ne patientent pas, comment beaucoup sont perturbés par le mondain, la fortune, et comment beaucoup ne patientent pas et ne sont pas satisfaits de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé comme subsistance. Ils ne patientent pas. Ce bas monde est une grande fitna. C'est pour ça qu'Allah nous en a avertis dans le Coran. Et son messager nous en a avertis dans sa sunna, alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jal nous a avertis dans le Coran contre la fitna de ce bas monde. Il nous a orientés vers la patience. Écoutez et méditez ce qu'Allah dit dans ces versets. Qala azza wa jal. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. La traduction approximative du sens du verset. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente, et s'ils sont en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes, leur refuge sera le feu pour ce qu'ils ont acquis. Regardez, ils sont épris par ce bas monde. Et donc regardez la fin finale, vers où la destination. Ils sont inattentifs à la révélation d'Allah. Ils sont inattentifs au grand signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez le monde comment il est maintenant avec cette pandémie. Et regardez, beaucoup sont inattentifs à ce signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé. Ils s'enorgueillent encore et proclament leur puissance alors qu'ils sont impuissants devant un petit microbe qui ne se voit pas à l'œil nu. Nous devons tous ceci, ce sont des choses qui doivent nous ramener vers la réflexion et vers le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de patienter, d'endurer sur le sentier d'Allah et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de patienter, d'endurer pour ne pas désobéir à Allah. Et patienter, endurer pour les catastrophes que nous subissons et les malheurs que nous subissons. وقال عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Écoutez et méditez cet autre verset dont la traduction approximative nous dit ceci. Ceux qui veulent la vie présente, avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leur action sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-là, qui n'ont rien dans le delà, que le feu. Ceux-là, qui n'ont rien dans le delà, que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Regardez. Comment Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui veulent tout simplement cette vie présente. et qui ne patiente pas dans l'obéissance et dans la mise en application de la religion d'Allah. Et après que notre Seigneur nous a avertis et averti ses serviteurs contre ce bas monde et ses séditions, il nous a décrit ce bas monde. Hein? Il nous a montré la réalité de ce bas monde de maintes versets. Et c'est lui qui a créé ce bas monde et c'est lui qui sait la valeur et la réalité de ce bas monde. قال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur. Donc il connaît ce bas monde et ce qu'il contient. Il connaît tout, même les choses que nous ne voyons pas de ce bas monde et que nous ne connaissons pas de ce bas monde. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit dans l'une des descriptions qu'il nous a fait de ce bas monde, écoutez-la et méditez-la bien. قال عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Écoutez cette description qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait de ce bas monde. Et l'exemple qu'il nous a donné pour bien comprendre ce bas monde et la réalité de ce bas monde. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareil à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis ils se fanent, et tu la vois donc jaunie. Ensuite, ils deviennent des débris, et dans le delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément d'Allah, et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Regardez cette image que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Hein? La pluie qui tombe, et qui fait sortir la végétation de la terre. Le cultivateur est réjoui de ça. Puis, hein, cette végétation se fane, sèche, devient des débris. Ben, il en est de même de ce bas monde. Et dans le delà, la situation, dans le delà, il y a le pardon ou il y a le châtiment. Il y a la grâce et les bienfaits d'Allah pour ceux qui se sont soumis à Allah, qui ont patienté dans ce bas monde, qui ont accompli ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils accomplissent. Et de l'autre côté, il y a le châtiment pour ceux qui ont désobéi et qui n'ont pas cru. Donc, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce bas monde est une fitna. Ce bas monde est une jouissance trompeuse. Beaucoup se sont fait avoir par ce bas monde. C'est pour ça que notre messager, alayhi salatu wassalam, nous a fait de grands et clairs avertissements contre ce bas monde. Il a clarifié, alayhi salatu wassalam, la situation de ce bas monde. Et il nous a avertis de grands avertissements contre ce bas monde. Et contre le fait qu'on soit détourné des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala par ce bas monde. Dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, le messager d'Allah a dit un jour à ses compagnons, par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains pour vous que ce bas monde s'ouvre et s'offre à vous comme pour ceux qui vous ont précédés et que vous vous rivalisiez. Vous rivalisez dans ce bas monde et par ce bas monde, et il vous fera périr comme il a fait périr ceux qui vous ont précédés. Regardez le messager alayhi salatu wassalam, c'est que ce n'est pas la pauvreté qu'il craint pour nous, mais il craint pour nous le fait que ce bas monde s'offre à nous et qu'on se rivalise et que cette rivalité pour le bas monde nous fasse oublier les obligations d'Allah et nous fasse périr comme il a fait périr ceux qui sont passés avant nous. Et dans le hadith, rapporté dans Sahih Targhib wa Tarhib, il a dit, alayhi salatu wassalam, celui dont le souci et ce bas monde, Allah lui parpille sa situation. Et sa pensée sera occupée par la pauvreté et par ses besoins. Et il n'aura de ce bas monde que ce qu'Allah lui a destiné. Et celui dont le souci est le-delà, Allah lui réunit sa situation et mettra sa richesse dans son cœur. Et ce bas monde viendra soumis à lui. C'est la personne, hein, son seul but, c'est le bas monde, ben il va être éparpillé pour l'amasser, pour le préserver, et ainsi de suite. Donc, sa pensée ne sera que pour ce bas monde. Mais à la fin, il n'aura que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prévu comme subsistance et comme rizq. Quant à celui dont le souci c'est le delà, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, le fait vivre dans une quiétude intérieure. Et ses réflexions et ses pensées ne vont pas à droite et à gauche. Et ce bas monde lui sera soumis et il aura sa part de ce bas monde. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté dans Sahih Tirmidhi, ce bas monde est maudit, ainsi que tout ce qu'il contient, sauf les vocations d'Allah, le Très-Haut, et ce qui s'ensuit, un savant et un étudiant. C'est-à-dire un savant au niveau de la législation, au niveau du livre et de la sunna, et un étudiant qui étudie cette science du livre et de la sunna. Ceux-là font l'exception. Ceux qui invoquent Allah, ceux qui cherchent la science, ceux qui enseignent la science, et ainsi de suite. Font l'exception de cette malédiction. Donc, à tous ceux qui s'occupent de ce bas monde, du détriment des obligations qu'Allah a légiférées, à ceux qui délaissent la prière pour ce bas monde, à ceux qui basent toutes leurs transactions sur riba, à ceux qui délaissent ou négligent l'adoration d'Allah pour ce bas monde, pour ce bas monde éphémère, pour ce bas monde trompeur, pour ce bas monde maudit, par la voix du messager alayhi salatu wassalam. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que ce bas monde est maudit, n'a fait l'exception que de l'évocation d'Allah et ce qui s'ensuit, le savant et l'étudiant de sciences religieuses. Et il est le véridique qui n'a dit que la vérité. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, un jour à Abdullah ibn Omar, il lui a dit, sois dans ce bas monde comme un étranger ou un voyageur. Ibn Omar, après ce conseil du messager, alayhi salatu wassalam, disait, si tu vis jusqu'à la nuit, n'attends pas le matin. Et si tu te réveilles le matin, n'attends pas le soir. Et prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. Regardez ce noble compagnon quand il a reçu le conseil du prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, sois dans ce bas monde comme un étranger. Comment il est un étranger dans quelque part? Il se hâte de rentrer chez lui. Le voyageur, la même chose, il s'installe pas. Hein? Il fait une halte et puis il continue son voyage. Abdullah ibn Omar, quand il a entendu ce conseil du prophète, alayhi salatu wassalam, il a donné ce conseil à la communauté. Si tu vis jusqu'à la nuit, c'est-à-dire, c'est que la nuit arrive et tu es vivant, ne délaisse pas le travail que tu dois accomplir la nuit pour le lendemain matin. Et si tu te réveilles le matin, ne délaisse pas le travail que tu dois accomplir durant ta matinée jusqu'au soir. C'est-à-dire, hâte-toi à accomplir le bien. Hâte-toi à faire ce que tu dois faire. Et ne retarde pas, ne repousse pas. Et prends pour ta santé. Tant que tu as la santé, tu prends. Pour ta vieillesse, pour ta maladie. C'est-à-dire, tu as la santé, tu accomplis. Comme ça, quand tu seras malade, les œuvres que tu accomplissons en étant en bonne santé, ils te seront inscrits. Regarde ce noble conseil qu'a prodigué Abdullah ibn Omar à la communauté. Et ce conseil, il est relaté dans l'authentique de Bukhari. Et après que le messager d'Allah a averti sa communauté contre la fitna de ce bas monde, il leur a montré son similaire. Et il les a, il a, donner des clarifications à la communauté sur la réalité du sub-monde. Dans le hadith du Jabir, rapporté par l'imam Muslim, le messager d'Allah a dit, le messager d'Allah est passé, Jabir a dit, le messager d'Allah est passé dans le marché, les gens étaient à sa droite, les gens étaient à sa droite et à sa gauche, et il est passé à côté d'un cadavre, d'un chevreau, qui n'a pas d'oreille, et il l'a pris au niveau de l'oreille, et il a dit, qui parmi vous aimerait avoir ça avec un dirham? En parlant du chevreau qui est un cadavre et qui n'a pas d'oreille. Ils ont dit, on n'aimerait pas l'avoir, même pour rien. Qu'est-ce qu'on ferait avec? Et puis, il leur a dit, est-ce que vous aimeriez qu'il soit à vous? Ils ont dit, par Allah, s'il était vivant, il vaut rien, alors qu'il n'a pas d'oreille. Qu'est-ce qu'il en est alors qu'il est mort? Et il a dit, alayhi salatu salam, par Allah, ce bas monde ne vaut rien pour Allah, comme ce chevreau ne vaut rien pour vous. Ça, c'est la réalité, c'est la réelle valeur de dunya, de ce bas monde. Et qu'on apprenne à patienter face à la fitna de ce bas monde. Et qu'on apprenne à patienter face aux tentations et à la beauté de ce bas monde et aux merveilles de ce bas monde. Et qu'on apprenne cela des savants et des hommes de la foi qui n'ont pas été perturbés par ce bas monde. Mais ils ont dit, prodiguant le conseil aux gens, comme dans le verset, قال عز وجل ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. La traduction approximative du sens du verset, malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et accomplit les bonnes œuvres. Allah Azza wa Jal nous a annoncé dans son livre que Qaroun était du peuple de Moussa, mais il était empli de violence, d'orgueil envers eux. Et il a été perturbé par ce bas monde, et il a dépassé ses limites, et a fait le mal sur terre. Il s'est réjoui de la terre injustement. Il ne s'est pas rapproché d'Allah par sa fortune. Plus il s'est rapproché avec sa fortune du shaitan et du feu de l'enfer. Les savants de sa communauté sont venus le voir. Ils l'ont conseillé en lui disant, ô Qaroun, ne sois pas réjoui de ta fortune, car il n'est pas éternel, et toi non plus, Qaroun. Tu n'es pas éternel. Ô Qaroun, cherche avec ta fortune la demeure éternelle et n'oublie pas ta part de ce bas monde. N'oublie pas ta part de ce bas monde. Et sois bienfaisant comme Allah l'a été pour toi. Et ne fais pas le mal de mal sur terre. Mais il n'a pas répondu à leur conseil, comme beaucoup de fortunés sur terre ne répondent pas au conseil de ceux qui les conseillent. قال عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. La traduction approximative du sens du verset, en vérité, Qaroun était du peuple de Moussa, mais il était empli de violence contre eux. C'est quoi la cause de son mauvais comportement? C'est quoi la cause du mauvais comportement de Qaroun? Pourquoi il était orgueilleux? Pourquoi il était imbu de lui-même? Pourquoi il était désobéissant, dépassant ses limites? La cause, c'est la fortune. La cause, c'est ce bas monde. قال عز وجل واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. La traduction approximative du sens du verset nous dit ceci, nous lui avons donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit, ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. Hein? Regardez cette fortune que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, et les clés, une bande de porteurs très forts, hein, n'est pas suffisante pour porter les clés du trésor d'eux et des bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala comble Qaroun. Et malgré ça, il était orgueilleux, il ne reconnaissait pas la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. La réjouissance Et si c'est la réjouissance injuste qui est blâmable, le soumis à Allah a le droit de se réjouir dans ce bas monde. Il se réjouit avec sa foi, avec sa aqida authentique. Il se réjouit avec le Coran qu'Allah lui a donné. قال عز وجل قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Regarde ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, dont le contexte au début a été cité le Coran. Et regarde ce qu'il se dit après. Donc ceci dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est mieux que tout ce qu'ils amassent. Un jour, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il sortait pour inspecter le troupeau de la zakat à l'extérieur de Médine. Et il avait son servant avec lui. Et quand le servant, le jeune garçon, a vu le nombre de chameaux, de vaches, etc., il a dit, ça c'est la grâce d'Allah. Hein? Omar ibn Khattab l'a secoué avec un bâton et lui a dit, non, tu mens, la grâce d'Allah c'est le Coran. Il a cité ce verset. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Ainsi, le croyant se réjouit avec la parole d'Allah, avec sa aqida, en accomplissant les bonnes œuvres, en allégeant les autres, et en étant au service des autres, en rendant service aux autres, en s'acquittant de son devoir et de ses devoirs. Quant à l'ignorant qui désobéit à Allah, la nuit des noces de son fils ou de sa fille, il désobéit à Allah. Tu le conseilles, tu lui dis, préserve les droits d'Allah. Il te répond, on veut se réjouir. Les enfants ne se marient qu'une fois dans la vie. Vas-y, la musique, la mixité, etc. La catastrophe n'est pas dans la réjouissance, mais la catastrophe, c'est que les cœurs malades ne se réjouissent qu'avec la désobéissance. قال عز وجل ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, c'était ici, voilà le prix de votre exultation sur terre sans raison, ainsi que de votre joie immodérée. Le peuple de Qarun a dit à Qarun, وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. La traduction approximative du sens du verset qui lui ont dit, il recherche à travers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la demeure dernière. N'importe comment, tout ce que tu fais, tout ce que tu as, tu dois chercher avec la satisfaction d'Allah. Hein? Ta joie, ton bonheur, il est dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit satisfait de toi et que tu dois patienter, endurer pour acquérir et pour être comblé de cette satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah t'a comblé de la fortune et t'a comblé de grands biens, rapproche-toi d'Allah par la contribution dans tes projets, dans les projets du bien, et dépense sur le sentier d'Allah. Allah a la richesse absolue. Et plus l'être dépense sur le sentier d'Allah, plus Allah lui donne. Comme il est dit dans le hadith chez le Bukhari, ô descendant d'Adam, dépense, Allah te donnera. C'est-à-dire, tu dépenses dans les voies du bien, pour ta famille, dans les œuvres de charité, ainsi de suite. Allah, il te donne et il t'augmente. Et le peuple de Qarun lui ont dit aussi, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Hein, ils lui ont dit aussi, dans la traduction approximative du sens du verset, il n'oublie pas ta part de ce bas monde. C'est-à-dire, fais-toi plaisir avec les choses qu'Allah t'a félicite. Personne ne te l'interdira. Personne ne t'interdira de te faire plaisir avec ce qui est illicite. Mais ne te fais pas plaisir avec la désobéissance. Ceci est interdit. Ne te fais pas plaisir au détriment des obligations d'Allah, au détriment des droits d'Allah, au détriment des droits d'autrui. Toi qu'Allah t'a comblé de ses bienfaits, n'oublie pas le linceul. C'est ta part de ce bas monde. c'est ta part du bien que tu vas emporter avec toi. Tu ne prendras de ce bas monde que ce morceau de tissu blanc avec lequel tu couvres les vivants en t'enveloppant avec et puis ils te mettront dans ta tombe. C'est ta part de ce bas monde. Regardez et méditez, est-ce qu'un milliardaire, un fortuné est parti dans sa tombe avec plus que ça? Eh ben, regarde les mécréants, il part avec un costume dans un coffre. C'est tout. Hein? Le croyant dans un linceul blanc, un morceau de tissu non cousu. Et le messager d'Allah a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim et par l'imam Bukhari, le mort sera suivi par trois, sa famille, sa fortune, ses œuvres. Deux reviennent et un restera avec. Sa fortune et sa famille reviennent et restera avec ses œuvres. Et sera avec ses œuvres. La fortune et la famille font demi-tour et restera à l'œuvre. S'il est bonne, il honorera la personne dans la tombe. Et s'il est mauvaise, malheur à lui, il le rabaissera. Hein? Donc regarde d'où tu obtiens cette fortune. Tu vas la laisser derrière toi. Fais attention au haram. Fais attention à l'illicite. Fais attention de ne pas polluer les droits des autres. Car après tu vas la délaisser derrière toi et tu ne sais pas ce que tes héritiers vont faire avec après. Il restera avec toi que tes bonnes œuvres. Alors patiente, endure dans l'obéissance à Allah. Endure et patiente face à la désobéissance à Allah. Et endure face aux épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala te fait subir. Et le peuple de Qaron ont conseillé à Qaron d'être bienfaisant comme Allah. Ils lui ont rappelé, Allah a été bienfaisant pour toi, alors sois bienfaisant pour les autres, sois bienfaisant à ton tour. Il ne fait pas le mal sur terre. Qaron est sorti aux gens avec ses beaux vêtements et ses parures. Les cœurs de ceux qui aimaient le mondain se sont déchirés et leur bave a coulé car leur souci, le bas monde s'est accaparé de leur cœur. Le bas monde et ses biens, ils sont épris par le bas monde. Ils s'allient aux gens par le bas monde. Ils se disent à vous deux par le bas monde. قال عز وجل فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Regardez ceux qui sont épris par ce bas monde, ce qu'ils ont dit, comme il est relaté dans ce verset, dans la traduction approximative, du sens du verset. Il est sorti, c'est-à-dire Qaron, il est sorti à son peuple, dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie présente, dirent, c'est seulement, nous avions ce qu'a été donné à Qaron. Il a été doté, certes, d'une immense fortune. Regardez comment ce bas monde perturbe les gens, comment ce bas monde fausse le baromètre des gens, comment ce bas monde fausse les valeurs réelles chez les gens. Et comparez ceux dont le baromètre est faussé, comparez-les avec ceux qui ont la foi, ceux qui ont la foi et qui ont le savoir. Méditons ce que fait la science de ceux qui veulent avec cette science la face d'Allah. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Regardez maintenant ceux qui ont appris la science pour Allah et qui la propagent pour Allah. Regardez ce qu'ils ont dit à leur peuple quand ils les ont vus baver devant la fortune d'eux. De Qaron. Et espéra voir ce qu'il a eu Qaron. Ils leur ont dit dans cette traduction approximative du sens du verset, tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dire, malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. Mais elle ne sera reçue que par les endurants. C'est-à-dire, cette récompense n'est due qu'aux patients. qu'à ceux qui patientent, qui endurent, dans l'obéissance et dans la soumission à Allah. Méditez bien, il ne sera reçu que par les endurants, par les patients. Cette récompense d'Allah et cette satisfaction d'Allah, Zawajal. Malheur à vous, qu'avez-vous délaissé? Malheur à vous, vous qui avez délaissé ou négligé les droits d'Allah. La prière, etc. Malheur à vous qui avez laissé vos femmes s'exhiber. Les récompenses d'Allah sont mieux et éternelles que les réjouissances que vous croyez avoir eues dans ce bas monde, que les réjouissances que vous croyez avoir dans la désobéissance à Allah. Certes, la soumission et la constance dans le bien demandent de la patience, demandent de l'endurance. Patientez pour accomplir l'obéissance. Patientez pour ne pas désobéir à Allah. Patientez dans les épreuves de la vie présente. Ce bas monde est éphémère, il va vers sa fin. Et qu'on médite la voie vers laquelle conduit celui qui endure pour l'acquisition du savoir. Et la voie vers laquelle conduit le savoir de la religion. Le fait de maîtriser ses obligations et de maîtriser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Quand ceux qui ont été comblés de savoir ont vu comment les gens sont perturbés par le bas monde, ils ont dit « Waylakum ». وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Regardez ce qu'ils ont dit, ceux qui ont la science, qui connaissaient la réalité de ce bas monde, et qui ont enduré pour acquérir cette science. Ils ont été comblés avec, par Allah, Zawajal. Regardez ce qu'ils ont dit. Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. Mais il ne sera reçu que par les endurants. La patience est quelque chose de très important. Nous en avons besoin. D'où l'importance de s'armer à purifier nos cœurs et à s'entraîner sur la patience. S'entraîner à patienter à obéir à Allah. S'entraîner à patienter à ne pas désobéir à Allah. À se maîtriser au moment de la catastrophe et des malheurs. Qu'on s'arme de patience pour apprendre notre religion et qu'on fasse des efforts pour avoir ce que nous pouvons et surtout les obligations de 24 heures de cette science de la religion, qu'on acquiert la science de ce qui nous est obligatoire durant nos 24 heures. Et cette science, nous devons l'acquérir du livre d'Allah et de la sunna de son messager alayhi salatu wassalam, selon la voie et la compréhension du plus prédisseur d'Allah alim, qu'on doit faire très attention chez qui on l'apprend, et qu'on soit et que nous devons être satisfaits de la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a destinée. Parce que si on n'est pas satisfait, on va changer quoi à la situation? Rien. La subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévue, il a été prévu pour nous. On ne quittera pas ce bas monde avant de l'avoir épuisé. C'est ainsi qu'a décrété Allah, Azza wa Jal. On fait des efforts dans ce qui est illicite et on fait des efforts pour acquérir notre bas monde, mais pas au détriment de notre religion et pas au détriment des obligations d'Allah. Et nous devons être satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé et de chercher à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant ce qu'il veut de nous, dans la sincérité et dans le suivi de son messager, alayhi salatu wassalam. Fasa Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, bi asma'il husna, wa sifati al-ula, ij'alna wa iyyakum, min alladhina yastami'una al-qawla, fayittabi'una ahsana, innahu waliyu dhalika wal-qadiru alayhi, wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma, wa sallim wa barik, على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.